Le 19 juillet, le comité préparatoire du côté nord pour la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du nord, du sud et de la diaspora en faveur de la paix et de la réunification indépendante de la péninsule coréenne a publié un communiqué. En voici le résumé. Le comité préparatoire du côté nord accélère les préparatifs de la conférence conjointe au milieu de l'attente et de l'intérêt de l'intérieur et de l'extérieur du pays de plus en plus croissant. Le comité préparatoire a discuté tous les problèmes pour que la présente conférence conjointe serve d'occasion de tournant pour assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et ouvrir une large voie pour l'amélioration des rapports nord-sud et la réunification indépendante, conformément à la volonté et l'aspiration de toute la nation, avant de prendre une série de mesures. Il propulse également le travail pour fonder des comités sectoriels afin de discuter et prendre des mesures avec les délégués des partis politiques, formations et de toutes les couches de Corée du Sud et d'Outre-mer, des problèmes pratiques qui s'opposent pour favoriser la réconciliation et l'union et activer le mouvement de la réunification de la patrie à l'occasion de la conférence. Le comité fait plusieurs préparatifs pour orienter plus significativement et de façon variée la dite conférence. En outre, le comité du Sud pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin, la direction du Sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud, la Fédération générale nationale des sociétés des paysans, la solidarité de la jeunesse et d'autres formations et personnalités de toutes les couches sud-coréennes ont qualifié le projet d'ouverture de la conférence conjointe comme une vaste conférence consultative politique et le projet le plus juste pour la réunification de la patrie afin de prévenir le danger de guerre de plus en plus croissant dans la péninsule coréenne avant d'exprimer leur soutien actif. Ils ont condamné que la mesure scissionniste des autorités sud-coréennes qui prétendent que le dernier projet est une stratégie de front pour l'unité contre l'ennemi et de tactiques fomentant la division et la discorde sud-sud est une mesure opposée au courant de l'époque et ils ont exprimé la volonté de s'efforcer jusqu'au bout pour parvenir à la conférence conjointe. Les autorités sud-coréennes doivent savoir correctement que les vœux ardents et l'aspiration unanime de toute la nation qui veut un nouveau tournant dans la réunification du pays et l'amélioration des rapports nord-sud à travers la conférence conjointe de toutes les organisations politiques, sociales et personnalités individuelles du nord, du sud et de la diaspora et se joindre aux efforts pour l'ouverture du grand rendez-vous pan-national pour la réunification de la patrie.